بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين خاصة المؤلف سيدي صلاح الدين وجميع محبينا أما بعد جناب مسلمت يا لكم جلتي أنت صلى الله عليه وسلم كن جوتاي بي ويسو نيغي يامون سي ني بوكنا سي لي كيمان او سي والو سي حوالي من انسان باتاي سي والو بروم سبحانه وتعالى مانام سي خول خول manam li nga xamantene non la koy moñe parce que ci ban aduna lañ tollo alamul al aqlu sami manam moy xel bi nga xamne mo fete kaw yeneen yi dess ta mom moy la xol wala kon xol bi ci bopam mom moy xel mu reuy mi en fait wala mo ndax mom moy raisonner deug manam raisonnement yu makki fofu lay joge xol tamit mom moy fi nga xamantene moy place bi nga xamantene mbir yi am solo yu makki fofu lay amé comme sentiment yi comme conviction yi hein impression yi hein lan comme par exemple jikko yi hein manam lepp yi nga xamantene deug moy tax raisonnement di manam ci xol lay genné ci xol lay amé wala mbir yu am solo yépp ko fofu lay amé wala bëgg bañ wala am wala am lula nakari am lula neex yoy en réalité yoy du lu juggé ci bop mais ci xol lay juggé wala légui nak fofu la doon waxé ni ci bok na ci fiñ ci tollon ci jotta bi wessu moy bi mu wax na bok na ci yi gëna kémané moy né borom subhanahu wa ta'ala dafa moñé wala tuftara dafa moñé wala manam xolu arif billahi ci xet bi ni tek ko ci xolu ñi nga xamné ñoo leen jitu won ci yenenti ya alayhi salatu wassalam ndax sax na né ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu né abdal yi manam groupe lañ groupe waliyu lañ waxon nañ ñen ci jota bi wessu né ñom fan wër lañu té seen xol da fay melni xol mom ibrahim alayhi salatu wassalam sa yu amé kenn ku genn aduna borom subhanahu wa ta'ala dina ko remplacer ak kenen voilà amna ci benen riwaya buñu gisoon mom moy 40 lañ té ñom liñu amé mbir mom yépp mom moy amé wuñ ko ci julli gu bari wala ci koor gu bari ni ci nonu du ci saraxé bu bari mais liñ ko amé deug biñ ko laajé yéne tib sallallahu alayhi wasallam mom moy lan moy sénu tabé manam générosité hein ak laay bir yi ñi laay bir julit ñi manam laay bir yi ñi laay bir julit ñi manam jariñ giñ leen amal ci voilà lool mom motax li ëpp ci awliya yi yu mag yi sen mbir yi sen jaamu yalla yi sen maqamat yi en fait ci sen xol yi lay ne sen fiñ mandal ga bi nga xamantene mom moy nek sen li jolle ci sen xol lay jolle mais nekul ne ci yaram bi lay nek ni comme niko ñu bari yaakaare voilà légi gisoon nañu né amna ci bir waliyu yi comme niko hadith bi tamit waxe batay né borom subhanahu wa ta'ala amna ti ñett témiri nit ño xamantene ñom seen xol da fay nek manam dañ ko moñé ci xolu mam adam alayhi salam muy 300 après mu am benen groupe ñoñu benn groupe la mel mu am benen groupe bu gëna restreint mom momé ñoo ñoo gëna kawé maqama ñom groupe ñom seen xol yalla borom subhanahu wa ta'ala dako moñé ci xolu yent yalla musa alayhi salatu wassalam mu am benen groupe bo xamantene ñom juroom ñaar lañ yalla dafa moñe sen xol ci xolum mom ibrahim alayhi salatu wassalam wa waxon nañ lan mo indi différence bi nek ci fele mu wax abdali après mu wax fi tamit ne mam ibrahim alayhi salam waxon nañ tekantal bi ne ñom sen chef yi mam ñi ni kilifa ci ñom ñom ñoy am ñom ñoy nek ñoon legi amna jurom ño xamantene kon sen xol dañ ko moñe ci xolu sayyidina jibril alayhi salatu wassalam amna kenn amna ñett bok ñett ño xamne seen xol dañ ko moñe ci xol mom ci xol sayyidna mikail alayhi salam mu amna kenn ko xamantene kenn kessala mom xolam dañ ko moñe ci xol sayyidna israfil alayhi salam manam te ko mom moy sango arif billah manam mom moy wax ni mom moy khutbu bi wala mom lañ wax al khawf moy khutbu zaman koku xolam dañ koy moñé ci xol sayyidina israfil alayhi salam manam mbolam yi nga xamanteni ñoy maarifi dañ gis dañuy balé ci xolam sauf que en fait waxon nañ né amna yeneen groupe mo wax lolu yaakar na wala peut-être que waxuñu ko won ci jotay bi wess mais ala kulli hal lolu dinañ ci ñew kon légui inshallah ci commentaire bi amna ci groupe bo ñoo xamanteni ci bir awliya yoy manam waxon nañ ni ñoñu ñoy wa ahlu diwan manu kon wa diwan diwan salihin na kon groupe bu restaurant la bu wali manam ñom ñoy ñi gëna mag ci nitu yalla dañ leen di wax tamit rijalul ghaib dañ leen di wax rijalul ghaib donc ay nit lañ ñoo xamantene nit goor ay goor kumpal lañ bon amna ay jigeen ci bir comme niñ ko gisse won et que maqama yi di ñi ni dañ leen disparcer digënté goor ni ak jigeen ni mais selon né maqama khutba mom khutba ne lozuma bobu moy rawsiya bobu non kok mu jigen manou ko don voilà té waxon nañ tamit raison bi tax voilà légui comme nimu amulé ay jigen yenante alayhi wassalam comme nimu amulé ay jigen yenante alayhi salatu wassalam voilà légui nak légui nak tamit mu am ay yenen walu yo xamantene manam légui nak danañu bari légui nak danañu touti lool tamit amna ño xamni sangoro subhanahu wa ta'ala daf leena moñi dafa moñi sen xol ci anam bo xamantene bo xolé ñi mu tuddu ni ñom ñepp sen xol dañ ko moñé ci ay yenen wala malaak alayhi msalaatu wassalaam ñepp mu tuddu lool la mais buñu sétlo amna waxul ne te dañ wax ne kullu waliyyin ala qadami nabiyyin kullu waliyyin ala qadami nabiyyin bepp wali bu ne mi ngi ci kaw tankit yenant sama ndeggu tank yenant c'est à dire que sur ses pas sur ses traces la nek wali bo gis amna ab yenant bu mu doon lolou mom motax lu mu new ci jamono dina am 124000 yenant dina am 124000 wali parce que lutax parce que dafa am 124000 yenant motax alayhi assalam kon lu mu new ci jamono lol dana am te bok te amna ño xamantene yenen yo xamantene ñu bari dañ leen di dañuy nekk ci seeni tank comme niñ ko gisse ne voilà ni comme niñ ko gisse ni donc ci bir walu yi motax ñi rek du ñi rek ñom ñoy walu yu makki voilà mais c'est que ñi ñoy kërëm bi voilà manam ñom ñoy élite bi voilà amna nak ci bir ñom ñi ñu tuddé al awtat manam ci seen bir lañ bok mais dañ leen di wax al awtat moy ñent keno yi voilà ñom nga xamantene comme c'est imam ash-shafi'i radiyallahu anhu ñom ci ñoñu la bokkon nga xamantene sen manam ñu leen tuddé keno yi comme kaaba gi nimu amé ñent keno manam pilier wala manam ñent manam kon ñom ñoy comme montagne ni mu nekké ay dot ni moy awtaat yi ñoñu nonu tamit non lañ nekké doju aduna bi manam ñom ñoy montagne yi nga xamné ñoo tii aduna bi ci deug manam ba tax suuf ci nekul di daw di yëngatu et cetera comme ni ngay gisé ci zahir ni montagne yi tii aduna bi ba tax suuf ci ba tax nekul di bouger nonu tamit ñom ci za ci batin non lañ nekké ñi nga xamné deug ñom ñoo tii aduna bi maintenant nak day am ay montagne yu ndaw am ay montagne yu ma mais dafa am ñent ñoo xamantene ñoom ñoy ñu mag ñama ka mag ñi pitti ñoom ñoy comme ni pont yi ben place pour mëna ben ay mbir pour manam chef bi pour mëna taxaw kon ñoom ñent ñoonu min leen di répartir moy comme kaba gi ni mel nek ni ñenti côté ben côté bu nek wala dafa wala dafa am kenn ko xamantene mom moy gérer côté bobu non kaba gi nak mom mo nek ci digg aduna bi mais nekul ci digg souf ci comme nek dig fep ci souf ci dede mais moy dig ci surface bi nga xamantene mom la nit ñi di dekké manam surface habitable bi mom mom moy centre bi mais nekul centre aduna bi ci demi bopam voilà lolu maintenant légui ya kon kon ki bi ñu tuddu kon nit yalla yoyu ñom tamit wa ahlul diwan nak manam ci wa ahlul diwan ci groupe akta bi ñono ci lañ bok legi amna tamit ñu ñuy wax mafatihul kunuz manam ñoñu nak ñoñu ño gëna ñoñu en fait comme niñ ko gisse won ci jota bi yeso ñom benn groupe lañ bo xamne tamit dañu restreint en fait 4 rek lañ doon ñoñu ñoy mafatihul kunuz dafa am wala mafatihul kunuz yi nga xamne ñom ñoy nek ci diwan diwan salax ñom ñent lañ amna ci ñeneen ñent ño xamantene ñom ay afraad lañ manam ñom ño bokku ay mbir legi ñoon muy ñoon ñuy kon juroom ñet ñoñu nak ñu bari ci awliya yi xamuñu leen en fait xamuñu sax seen existence lutax parce que dañu en fait dañu exceptionnel ba nga xamantene ñu bari ci walu yi xamuñu sax seen existence waxuma la nak di xam nan lañ mel ak seen caractéristiques ak tamit buñu leen gisé nan lañ di xamé nga lool mom manam waxuma la lool maintenant ñom niñu mel deng kon ñom niñu mel bo leen jëlé mafatihul ki yoy manam afraad yoy manam ñom ay afraad lañ en fait mafatihul kunuz ay afraad lañ ci afraad lañ bok voilà afraad mom lañ wax ñom moy ñi nga xamantene ay tiapatu lu lañ non lañ afraad ay tiapatu lu lañ moy singulier moy ay singulier lañ voilà deng kon ñoñu afraad yi ay nit lañ ñom ño xamantene sen maqama daño nek digënté maqama sidiquna yi nga xamantene ñoy walu yu makki ak digënté maqama anbiya yi manam nubu wat tashri'a manam mais yenen to bo xamne dañ ko yoni am sharia digënté ñom ñaar fofu lañ toll ñom fofu lañ nek lool mom motax ñu bare ci walu yu xamu ñu leen parce que am en fait bala ngay xam en fait waxon nañ ko jota bi wess mais walu yi bala nga ci xam benn groupe wala kenn ni day fekk nga am niveau bobu wala nga jégo so amul niveau bi wala nga jégo ko do len xam voilà non seulement do len xam mais do xam ci seen bir voilà do xam seen bir voilà do ci xam lu bari en fait voilà mais ñoom lool mo motax ngay gis ñoom seen nek seen existence ñu bari ci walu yi xamuñu ko awliya yoy moy afraad yi bokku na ci seen particularité moy le fait que dañu nek ay nit ño xamantene amuñu manam amuñu nuñu leen di xamewé voilà amuñu nuñu leen di xamewé ay malamat yele voilà amuñu nuñu leen di xamewé donc lutax parce que bala ngay comme niñ ko waxe bala ngay xamé kenn day fekk nga mëna am nga xam nga mën ko serré mais ñooñu kenn mënu leen serré benen bi ci dess mom moy ay walu yu lañu xamantene souvent manam lool moy sen caractéristique duñu leen considérer mukk deug manam tout temps nit ñi dañ leen di jappé comme ay nit simple comme ñoom lol mom motax nga meuna nek ak ñoom pendant ay année sans nga soupçonner ne saay mom ci afraad yi la bok benen bi ci dess mom moy souvent dañuy nek objet wu critique parce que lutax parce que nit ñi mënu ñu comprendre ñom nit ñi dund manam ñom mënu ñu ko comprendre té dañu am borom subhanahu wa ta'ala ay xéeti xam xam yu particulier ci ñom yo xamantene ñom la lañ jox lool mom moy waral ñom ay nit lañ yo xamantene nit ñi duñu comprendre seen yenn agissement yi seen yenn wax yi wala seen yenn jëfini duñ leen comprendre parce que de manière générale nit ñi dañu nekk ci nelaw bo xamné nelaw bu metti metti té ñom dañoy yewu parce que ñom tout temps amuñu leneen ñom en fait d'ailleurs lool motax bokku na ci li tax duñ leen mëna xamé moy ñom buñu jaamu yalla dañ koy def rek ngir né yalla la sharia bi dañ koy respecter parce que yalla moko diglé ci lool lañu yam ce qui fait que ñom amuñu ay jëf ñu ñuy pat askana la seen bop parce que yalla ci bopam moy seen lepp ñom luñu aduna bi yépp depuis aduna bi ñu créer ko wala de depuis pré-éternité ba éternité lepp dañuy jakarlo ak mom de yépp dañuy jakarlo ak mom dans les moindres détails sans que ben détail préoccupe leen par rapport ak benen bi lool lu waral lool parce que ñom yalla moy seen la gis gis biñuy gissé ko xamné yalla mom moy su gis gis bi ngay gissé koku manam parce que ci yalla ngay gissé manam par Allah hein kuy gis celui qui voit par Allah ou à travers Allah subhanahu wa ta'ala koku day gis rek en fait koku amul lu koy rëcc parce que yalla ci bopam mo sér lepp voilà mom amul xam xam ni mom amul lool xam xam dédé mom day xam rek parce que yalla ci bopam moy xam xamam en fait yalla moy xam xamam voilà amul même yi ni manam yi ni wax ay maarifa ak yoy non ñom amuñu ko lool mom motax arif billah li ñi wax arif billah ñom par rapport ak ñom dañu ay comme awam yi lañ mel manam comme ñi nga xamantene duñ ay wali ni ñi mel par rapport ak arif yi arif ñom non lañ mel par rapport ak afraad yi voilà ñom non lañ mel par rapport ak ñom tellement que dañu kawé tout le temps ñi ngi ci borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi len di man ñi ngi découvrir wala plutôt explorer voilà plutôt ñi ngi explorer ay affaire voilà yo xamné ay touru yalla lañ ay melom et cetera tout le temps amul ben moment instant buñ ko rulké lo xamantene té andak né ben instant rek bi nga xamantene ñom ñi ngi ci gis yoyu ben instant sen ben instant day tolok li manam li nga xamantene mom la len ci yalla di won day ci ay touram ak ay melom manam ak lim len di jangal ci ay xéti xam xam day tolok manam da ba aduna bi tambalé gul bobu kérok aduna bi tukki yépp manam mais and ak lolu yépp nak motax ñom aduna bi duñ ko gis ak beut bi ni manam beutu manam vision oculaire bi ni manam beut manam lay nuy non dedet mais dañu am beut bu len yalla defal sen xol bo xamantene tout temps mom lañuy gisé aduna bi yépp voilà ce qui fait que ñom aduna bi pour ñom du ay ki rek mais ay touru yalla la ay melom en fait voilà ay touru yalla la ak ay melom ñom loolu lañuy gis tout temps voilà and ak loolu yépp nak dañu waccat ci bir nit ñi ba melni ñom ba xamantene do lañ soupsoné do lañ ko mëna imaginer et que xam xam yi leen yalla defal subhanahu wa ta'ala dafa reuy riya yo xamantene moy tax tamit nit ñi comme duñu leen xamé ci lool dañ leen di manam dañuy bëru li leen di critiquer voilà dañuy bëru li leen di critiquer mais même ñi yegul fi niveau bobu hein mëno manam do man di def lu nek nga mën ko nga bëgg ko expliquer lool boko bëgge def da ngay son a un moment donné mom da ngay baye gaay di wax rek wala di gaay di wax yow ngay def li ngay def su gaay comprendre baax na suñ comprendre lu baax na parce que a un moment donné mëno fi nek luñ lañu far jaay rek nga ni wo li bo gisee makoy def nangama tax lool man tane te bo duggé ci jeu bobu do paré jeu bobu mom bo ci duggé nit ñi rek mom doto paraître ci ses explications fo tol ya nga expliquer wu té nit nak mënul passer temps wu yépp di expliquer wu kessé voilà voilà benen bi ci dess moy né ñooñu en fait mom sen xal moy né ay nit lañ ñoo xamné deug sen deug liñu doon moy ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom moy sen ruh ñom ay jëm manam ay mbub yenenbi nek sallalahu alayhi wasallam wala albisatu nabi sallalahu alayhi wasallam wala lolu moy wala ñom lolu moy sen haqiqa wala moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy sen ruh ñom ay mbub yentibi len salafa tuuti ce qui veut dire que ni ñom daño jeex ci yentibi salalahu alayhi wasallam manam en fait dañu ci lak ba jeex gis nga comme ni bo jëlé ben ki nga duggal ko ci taal mu lak ko ba bok ci taal lu ñom non lañu lak yentibi salalahu alayhi wasallam te lolu motax ñom en réalité sen lepp bi moy yentibi la salalahu alayhi wasallam sen bir sen biti sen lepp yanti bi la sallalahu alayhi wasallam dañu jeex ci mom totalement voilà et que lolou mom motax ñom buñu gis sen bop amuñu yeg ci sen bop amuñu existence ci sen bop mais yalla mo existe voilà c'est à dire que ñom c'est lepp yalla la voilà té bokku na ci sen caractéristique tamit moy ñom duñu dugg ci ay manam moy ñom dinañ mëna manam buñu nekk nit ñi fuñu nekk nit ñi dañ leen di baxé manam moy nasiha yi dañ leen di conseiller dinañ leen jangal wax leen lu bax ci ñoom dinañ leen jema yok xam itam han fuñu nekk ak nit ñi loolu lañuy def wala duñu jël sen temps diko perte ci dara fuñu nekk ak nit ñi rek dañuy jema jangal nit ñi yok leen xam ak et cetera mais so commencé dugg ak ñoom ci di way non mais c'est que d'accord ma ci li nga wax parce que ki nangam ñu da bay c'est là que ñoom dañuy proposer sen xam kessé so jëlé nga jël so jëlul nga bayyi tout simplement mais ñoom duñ fi nek di jema polémiquer ak yow wala yu neme non duñ ko def voilà wal tam benen caractéristique la ci sen caractéristique voilà ma fatahul kunuz nak comme li sirah mati jani wax radiyallahu anhu ay nit lañ ñoo xamne li yenti bi wax ne sallalahu alayhi wasallam ne moy allazina idha ru'u dhikrallah ñi nga xamne buñ leen gisee yalla lañuy xalat mom lañuy fatale ko ñom la manam ñom walu yoy ñom manam afrad ay afrad lañ ci afrad lañ bok mo fatahul kunuzi mais ñom ñoo gëna kawé ci bir afrad manam ñom groupe lañ bu resté nak ci bir afrad encore comme ñu ngi ñu ko gisé 4 lañ 4 yoy voilà mais amna ñeneen ñoñu nak nga xam tane ñom seen bop dañ leen di wax ay afrad dañ leen di wax ay mafatihul kunuz yoy ñom ne wa ahlul itlaq comme niñ leen gissoon ne wa ahlul mahabbat ñoñu ci seen bir lañ bok en fait wa niñ doon wax ci itlaq biñu gis nga am biñu tollé ci benn domaine itlaq takhir wala wa ahlul itlaq ni lañ mel wa yoy yep ñom ñom non lañ mel donc ce qui fait que ñom ñoo gëna kawé ñeneen ñi ci dess lol mom motax même ñom ñi sax sen kaw way reey de sen magay dafa mag ba nga xamantene manam en fait amuñu ki quoi do amuñu même wa même yenen afrad hein non lañ mel mais sauf que ñe ñoo gëna mag tout donc ñom amuñu limite ci dara amuñu manam ñom ñoy deug xarifu yalla yi ak ay soppel deug ñom la ñom tamit ñom ay ki lañu ay nit lañ ñoo xamne sen bir sen biti sen wax sen jëf sen yépp manam dañuy tektale borom subhanahu wa ta'ala sa di ko duñu nekk ci lo xamantene mais nak mënañu neubutu de telle sorte que nit ñi dañuy fogné gaay ay nit simple lañ wa mais c'est lepp yalla la d'ailleurs do len gis ci leneen lu bokku tak affaire lu jëm ci walu yalla do len gis ci leneen lu bokku tak lool wala sen nan way nak moy mashrab bi ñoom laduni yunal mashrab la c'est à dire que ilmu laduni manam xam xam bi tuké ci yalla directement du wacc ci sen xol ñoom fofu lañu nan ce qui veut dire que sen xam xam yi mom danaka pour résumer dal danaka manam parce que amuñu xam xam motax yalla moy wala mo len moy ki sen xam xam lool mo motax nak ñom ci buntu bobu khutba bi ñom ñoy upp khutba bi ñoy raw khutba bi ci côté bobu motax wala ci côté bobu ñom ñoy raw khutba bi wala mais ci côté khilafa ge ak lepp lu ci aju ci walu responsabilité yi li war te aduna bi ak surtout titre honorifique bi nek ci khutba bi fofu khutba bi mo len ci uppale et que le fait que khutba bi tamit dafa am benen particularité bu kenn amul moy khutba bi buñ ko waxa moy xawsu moy ku gëna mag particularité bobu kenn amul moy ne lepp luy ja luy ñew ci aduna ak ku mëna doon fu mëna jaar rek fawde jaar ci mom parce que mom ci bopam moy joxe yalla mom moy ki nga xamantene moy joxe moy al mu'ti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ana al qasim yalla inna allah wal mu'ti wa ana al qasim wa ana abul qasim yalla moy joxe man may seddel salalu ko lu diwe ci yalla ci mom la mais khutba bi nak ci jamono gi moy ki nga xamantene li manam seddel gi mom manam ci mom mo koy def tay mi ngi melni tay bo mi ngi melni tay suñu amé ben manam soy liguey fenn dafa am directeur bi nga xamné wala employeur bi nga xamné mom mo lay fay légui bu la fayé mom moy fayé employeur bi moy fayé mais dina am tout temps ben nan lañ ko tuddé comptable entreprise bi mom moy signé chèque yi moy joxé wala mom moy virer xaliss bi voilà exactement moy fay voilà moy virer xaliss bi ak yoy maintenant mu am banque bi c'est-à-dire que yow banque bi fa ngay jëli jëli lañ la fay voilà fi ngay jëlé lañ la fay non le bir mi demé c'est-à-dire que yalla moy joxé yeen fi sa moy sédélé mais khutba bi mom ci ngay jëlé tout simplement liñ lay jox ce qui veut dire que obligé wu lo nek talibé khutba bi pour jarignu ci mom voilà c'est-à-dire que mom comme banque bi rek la ngal bom li ñew tuké ci yalla ñew ci yow mom mënu ko bañ jox voilà parce que mom ko en fait voilà khutba bi mom genre bobu la day sédélé rek voilà comme voilà li jogé voilà li voilà courant bi bu jogé EDF lay jogé installation yi ñom ñoo ñew installation yi ñoo nek ci dëkk bi yépp ba yex ci sa kër et voilà ki bi ñun tuddu compteur bi interrupteur bi ki bi voilà contact yi ñom ñoy tax affaire bi courant bi nga mën ci jarignu rek tout simplement mais du ñom ñoy joxe courant bi c'est à dire que ñom nak par contre fofu ngay brancher wu pour courant bi mëna yexi mais du ñom ñokoy joxe voilà c'est à dire que khutba bi non la mel par rapport aduna bi voilà mom non la mel donc mom parce que rôle le bu ko yalla daf ko fi samp pour mu jouer rôle bobu ben donc mais comme ce qui veut dire que ni lu wali ri ay mbir aussi ay affaiream ci khutba bi lay jaar c'est à dire que donc motax khutba bi nak day nek comme mom nit la ko xamantene kon mom lepp ci mom lay jaar ba pare aussi da fay am ay particularité yo xamantene kenen ku dul mom amuko mais nak afraad yi ñoom dañu genn ci daayiraam c'est à dire que khutba bi moy chef ñepp aduna bi yepp moy sen chef bu def afraad yi mom amul benn contrôle ci ñoom bu amé lén lu am ci ñom moy gis na lén ba xamné di wëg di ay afraad la jeex na bu amé ben pouvoir ci ñom pouvoir bi ci lool la yam ci mën léna gis la yam voilà donc légui motax ñooñu bon motax ñooñu en réalité en toute vérité ñooñu ñoy crème adoul parce que ñom am nañ sax ay xéeti xam xam yu leen yalla jox yo xamantene ñom khutbu bi amuko yegul niveau bobu parce que borom bi subhanahu wa ta'ala manam xam xam yi nga xamne ñom lañ wax al ulumul muhammadiyya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ay xéet xam xam yo xamantene ñom daf particulier ci daf ko mom moko yox ñi nga xamantene ñom ñoy afradi ñom am nañ ci 72 yo xamantene seen xam xam la donc 72 xam xam lañ ci am donc kenen kudul ñom agul niveau bobu même khutbu yu mag yi sax c'est très rare ci jamono ab khutbu ri bir ba yegg fofu ba yegg ci am 72 xam xam yoy koku c'est d'une rareté mais extrême même ñi nga xamantene ñom ñoy yor niveau imam ash-shazili te bo xolé imam ash-shazili ni mu magge radiyallahu anhu ni gis ni mom en fait 71 yi rek la am amul sax 72 yi alors que afraad ñom dañuy am 72 yépp 72 xam xam yépp légui nak am nañ kon ci groupe ahlul itlaq bobu manam ci groupe manam kon wa ahlul itlaq ñom bokku ñu ci wa diwan bi hein voilà ñom bokku ñu ci wa diwan bi ñom ak wa diwan bi bokku ñu donc wa diwan bi ben groupe lañ mais ñe benen groupe lañ sauf que ñe amuñu en fait comme ay afraad lañ amuñu en fait amuñu rôle buñu jouer en fait ñom xam nga lan lañ mel moy comme ku dëkk ci palais ku nekk ci gis nga yow ku nekk palais de la république ku nekk palais de la république nga nekk proche président bi manam bok ci ñiko jégué ñu mag ñi ñom non lañ mel amuñu ben responsabilité ci peuple bi amuñu ben rôle buñu jouer ci dëkk bi donc amuñu salaire aussi parce que pour nga en fait salaire pour nga am ko il faut que mu justifie wu ci ben responsabilité donc ñom duñ ay ministre duñ ay député duñ ay dara ci buntu bob ñom dal amuñu rôle en fait président dal mo leen bëgg tek leen ci bopam indi leen ci palais bi ne leen jégué leen ma yeen jeex mais amuñu salaire mais amnañ caisse noire c'est à dire que ñom caisse noire lañ am num leen neex lañuy dépenser sans mu am ben compte buñuy rendre à quiconque té num leen ko neex lañ koy def ñom loolu lañ am alors que ministre député yi dafa am budget bu leer am ki buñ leen le hey ça va li do ko dépasser ñu voilà manam wa ahlu diwan ak ñom non lañ mel à peu près voilà amuñu ben ki voilà ñom dal non lañ mel voilà légui nak de temps en temps nga gis motax bo gisé kenn ku bok ci ñom dugg intégrer diwan bi pour une raison ou pour une autre ba yor fu rôle bu mu fay jouer da ngay gis en fait du fa nek en tant que ku occuper rôle bob mais en tant que ku bok ci ñom la fay nekké ce qui veut dire que du am manam du am restriction bob restriction ki di rôle bi le jouer voilà du am restriction bob voilà mais nak bo gisé complexité wu maqama bobu maqama yoyu moy tax tamit même wali ñom ci seen bob bo xolé manam ñi nga xamné xamnañu niveau wu maqama bobu da ngay gis buñu exprimer wu di wax ci walu maqama yoyu non da ngay gis ni ngi koy waxé du ben manam ni ngi koy exprimer du ben amna ño xamantene buñu wax ci ñom dañ leen di tuddé rek ay mufatihul kunuz mufatihul kunuz ak lañu wax way ñom ay mufatihul kunuz dañ nangam mais parfois ñom lañ ci djublu leg leg amna ño xamantene ñom buñuy wax ci ñom comme Ibn Arabi radiyallahu anhu mom mom ahlul maqam la maqam la lañ tuddé manam ay nit lañ ño xamantene dañu am maqama te manam boromi maqama yi nga xamantene amuñu maqama la manam boromi maqama yi amu maqama la dañuy gis ñeneen yi nga xamantene ñom ñoy ku melni cheikh radiyallahu mom ahlul itlaq la len tuddé manam ñi nga xamné dañu amuñu restriction ala amuñu ben restriction dañu am absolute total voilà donc dañuy gis manam nitu yalla bu nek selon mom même ci bopom même niveau bi mu yegg manam selon ni muy gisé ñom manam mom ci leen di wutale ben tour di wax né moy ñom diw voilà donc ñom amuñu lool voilà motax ñooñu comme wa ansari liñ meloon radiyallahu anhu nga xam tane amuñu poste xam nga même yentib saatam bimu fi joggé ansari amuñu poste amuñu ben poste de responsabilité motax yentib saatam ni leen yeen ci man ngeen bok voilà dal ni laus voilà motax ma xubul ansar min al iman bëgg leen ñom wa ansar ci ngeum yalla la bok mune law salaka mune annasu شعار والانصار دثار لو سلك الناس واديا لسلكت واديا من وادي الانصار ولو لم اكن من المهاجرين لكنت رجلا من الانصار نيتني ان فيت نيتني اي ييري شعار موي ييري يي فين سي بيتي لين مانام ينتي ساسال موني موي جوخ اكزامبل موم نان لا ملك نون مانام بو غيسي ملو انصار موي ملو وا اهل الاطلاق بوم موي ملو غروب بوم mune yentou sallallahu alayhi wasallam bo gisse nit ñepp ay mbubu lañ ni yi feen ci bitif moy comme ay grand mbub ak ay xet yoy mune waye ansari ay sous-vêtements lañ manam dañoo tak directement ci sama yaram gis ni mune bu fekkontene duma won ci muhajirun kon ci ansari lay bok mais manam le fait que mo bokone djougué won maka ñew medina motax bokul ci ñom ce qui veut dire que gis nga kon rap ni mu len djégué mu tek ci né su nit ñi soobu won ben yoon ansar yi soobu benen yoon man yoonu ansar yi lay soobu lool mo motax mu ne len yeen wa ansar rendez-vous bima len jox moy yawmal khiyamati man ak yeen motax doxu ñu leen ben responsable motax yeen sa sam même bi fi joge pour ça wa am sa xam nga en fait li gënonu raisonnable en tout cas logiquement ni ci ki moy ñi nga xamantene ñom ñoo installé état bi manam seen dëkk moy état islamique bi ñoko installé bir medina seen dëkk bi nga xamantene mission bi c'était presque voué à l'échec ñom ñu ñew regroup tek ko xana tay bu pouvoir bu ñu jox pouvoir ñom ñi seen deuk la seen rew ñom ñoy jël pouvoir bi mais dedet parce que lan motax parce que ñom amuñu maqama c'est à dire que moy wa itlaq wa ahlul itlaq lañ ñi nga xamantene dañu bok ci itlaq manam absolute bok ñom duñ am responsabilité maintenant la par ki manam ki mën nañ leen jox responsabilité ci manam exceptionnellement motax nga gis même wa ansar ni ku ci am responsabilité exceptionnellement ni rek la mais amuñu won ay responsabilité ni lan lan dox ni lan motax da nga ci dan gis kenn ci ñom lay pauvre ci bu jigi de mais c'est parce que tout simplement ñom wa itlaq lay voilà tout simplement voilà comme le alfa allah ya ahla yasrib la muqam lakum yeen wa ahla yasrib amoneen ben maqama bolen di ki amul ben stabilité ci dara c'est à dire que parce que mënuñu tok fenn kessé leul fenn rek lañ tok c'est à dire que seen lepp ñom en fait amuñu demb amuñu tay euleuk amuñu ko non gaay yoy amuñu lool amuñu demb tay suba amul lool amul place tamit amuñu place c'est à dire que jamono yépp dañu retrouver wu ci seen biir ce qui fait que ñom jamono jo dem da da nga fekk fa ñoom bo dem jamono yi te ñoom jamono yi do len manam ñoom do len gis ñu nekk ci biir jamono ji niki nonu place bu ne buñu voilà place bu nekk ci seen biir lay nekk mais pa ñoom ñoy dem di déplacer ci place maintenant lool moy sen realité melna ci zahir ni da nga len gis ñuy dem fi dem fele et cetera de ki ak yoy mais c'est deug deug ñom ñi ñu doon lool amuñu ko deug deug ñom li ñu doon ñom amuñu ko wala fo len fek ci sen borom subhanahu wa ta'ala lañu ne mom lañuy tuddu mom lañuy et cetera wala en fait Sayyidina Khadir alayhi salam ci ñom la bokkon moy afrad wala motax ñom dañuy gis dañuy yor xam xam yo xamantene ñi yo xamantene bokkuñ ci ñom duñ ko xam ñu xani bokkuñ ci ñom duñ ko xam té tamit do leen xamé a moins que ñom ñu bëgg nga xamé le nga xap lool cheikh na té lo xam ci ñom tamit li nga riri mo motax kenn mënul and ak ñom loolu xana nga bok ci ñom wala bok ñom ñu bëgg la jariñ kessé lool rek mom moy tax nga mëna and ak ñom mais sino amul no mëna def yow baal ak ñom maintenant nak buñ xamé loolu ñom mën nañu and ak nit ñi de manière générale ni rek de manière absolue de manière générale ni mais buñu wone mukk seen bok deug deug par rapport ak ñe par rapport ak nit ñi parce que sino nit ñi duñ mëna and ak ñom en fait dañuy spécial ba nga xamné nit ñi duñ mëna and ak ñom mais dañuy mo lool mom nak mom moy waccat biñu waccat motax dañoo doon yentibi sallallahu alayhi wasallam ci anam gu ma seuk au moment où yentibi sallallahu alayhi wasallam moy lan moy sen ruh moy sen réalité parce que voilà ñom sen ruh dafa lak ci ruh yentibi sallallahu alayhi wasallam ce qui fait que ñom dañuy mëna nek tout temps bi yit di dem ci yalla et en même temps dañuy nek tout temps di wacc ci bir nit ñi voilà parce que nit en fait nit ñi loolu lu important la nit fek waccul ba yam ak nit ñi ñu mu leen kéré motax ko nit bu yégué yégg maqama yi nga xamanteni dootu mëna fréquenter nit ñi bu mëna togg ak ñoo du mëna waxtaan ak nit du ci koku mom danaka mom lañ ko bayyi ci côté parce que en fait bari wul en fait mën na nek walu mais amul jariñ en fait wol ak wilayam amul nit ñi jariñ voilà amul nit ñi jariñ deug bu fekke tere manam nit ki il faut mu meuna wacc bo nekkando ak nit ñi manam di dund les mêmes circonstances yi ñi dund même affaire yi ñi dund quoi voilà bu nit ñi nekké ci ñak mu ñak bu nit ñi amé mu am bu nit ñi yamé nekk ci classe moyenne mu nekk classe moyenne voilà mu mel non c'est à dire que il faut que muy dund ko nit ñi pour mën di leen mën di and ak ñom quoi normalement voilà di mëna and ak ñom normalement voilà et que tamit day and ak day mëna nekk ñepp aussi té du wax mukku né manam du japp mukku né nit ñi xamuñu ko quoi nit ñi xamuñu valeuram dedet mom du comporté wo non mom day japp rek né ben motax ñom bo leen afrad yi ñoon mënu duñu considérer sen bop luddul ben jaam ci bir jaamu yalla yi xexna duñu gis ngeenel buñu am ci kaw ñeneen ni parce que lutax parce que ñom gisunu sen bop yalla rek ka fi né ñom yalla lañu gis et que dañuy mbolam mindi fi dañu comporté wo ak ñom ndax lan ndax gis ne secret yalla amul minde bu mu bindul te deful ci mom ab secret leg leg nit ngeut motax il faut faire attention extrêmement attention très attention lutax parce que leg leg nit nga japp ne nit simple la comme sans masque alors que so tassé ñom nga wax leen wax ju doyé wala nga xépp leen wala nga am ben manque de respect bo am ak ñom lolu nit mën na nek wali wu mag ñu waddal ko ci saasi yak lepp lu mu amon ngir rek ne ngir ben ngir ne dafa xépp wala mu doyé dal wala mu tutal ko xamantene koku yalla dafa def ci mum secret bo xamantene nit ñi mënu ñu ko imaginer ko lolé ak tax il faut faire extrême attention surtout que ñom non lañ mel ñom non la ci bir nit ñi parce que dañu mëna nekkando ak ñepp comme tout le monde di waxtan ak ñepp comme tout le monde di dem fréquenter ñepp comme tout le monde wala nek ci bir nit ñi comme ñepp il faut voilà voilà comme par exemple boulé modou afrar yi la bok ñu ñew na ñu ñew ci ci nga gis kenn par exemple tassum da modou bu ko defé momit day defal ah oui da nga def dara deg réagir comme non lutax parce que mom dafa yentim sallallahu alayhi wasallam non la da doxale yentim sallallahu alayhi wasallam non la da doxale bo waxtane boy tassé ak mom manam mi ngay ñëwé rek mom non lay dikki manam dans la mesure du correct voilà dans les limites du correct moy so ñëwé waxtaan ak mom comme waxtaan bu simple bu waxtaan bu teggenu bu yaw bu ki mu jëfëndiko ak yow tamit comme non c'est spiritualité selon ni mu tollu muy waxtaan ak yow non voilà tout simplement so ñëwé nak manam xawa firi di wax di ré di kaf mu waxtaan ak yow tamit ci limite bobu manam ni ngay waxtaan ak mom rek non lay waxtaan ak yow ñom non lañ mel mi ngi lool mom motax en fait le fait que ñuy adapter wu di mëna mel comme li ñuy wax né loolu tax wa alu tasawuf tan imam ak junayd radiyallahu anhu def ko comme né mom moy sen référence loolu tax parce que imam al junayd radiyallahu anhu contrairement ak yenen ñi nga xamantene ñoñu mom pourtant ay ñu mag lañ ñom shibli abu yazid al bistami ak ñene radiyallahu anhu imam al junayd radiyallahu anhu dafa amone ben particularité c'est-à-dire que ko mana don bo ñëwé day mëna comporté ak yow ak di waxtaan ak yow ci sey limitu niveau bu fekkante la yow fiq nga xam bu waxtaan ak yow day wax da ngay fogg ne mom fiq rek la xam parce que fiq rek lay wax ak yow su fekkante la hadith rek nga xam te ci yoy rek nga yëngatu bu waxtaan ak yow tam ci loolu lay wax bo nekké mutakallim muy waxtaan ak yow tam ci niveau bob soy waxtaan su fekkante ne ci mass gi nga nek mën na la jarign ci xam xamam mais selon ce niveau so bokke ci niveau yu kawé yi aussi muy waxtan ak yow selon ce niveau luy gën di kawé mu gëna yëkëti niveau waxtan bi tamit ak yow manam mom non la mel ce qui veut dire que man na and ak xéet nit ñëp sans kenn ci ñom japp ne ki mom bokul ci ñom façon nit ñëp lo mëna andal manam façon nit ñëp manam julit ñëp ñi téggu ci yoon bi ñëp lo mëna andal ñëp lo mëna waxtanal mais ko xamantene man ta afrar itam non lañ mel mais ko xamantene man ta waxtaan ak kenn ndax niveau bi muy wax tout temps niveau arif yu mag yi la lolu koku man ta waxtaan ak kenn koku du meuna waxtaan ak kenn parce que tout temps foko fekk mi ngi ci wax yu compliqué wax yo xamantene en fait mass bi voilà la masse populaire le comment amali duñ ko saisir lolu taxul ñuy wax lolu mom du lolu du niveau bu voilà lolu du façon bu en tout cas ak mata dila dal manam xefu mata dila ak ko xamantene mën may nek manam mom bu commencé sikar rek da ngay gis day ki day lap ci sikar bo xamne du mëna wax sa nak kenn xam nga lolu amna tamit amna ño xamantene bu ñu commencé sikar yagul dara amna kuma koy wax makoy conseiller pour mo def ay salat fatih mune mom dogay def mais c'est que suy def ay salat fatih day ça dit que day du meuna nek nit ñi en fait du meuna nek nit ñi tellement que day absent day évader ou quoi voilà en fait lolu liko waral mom moy effectivement day nek ci mushahada bi xarat mushahada bok moy contemplation bok ci lay ne effectivement mais problème bi moy dafa am benen problème bu mu am moy problème waccat ci bir nit ñi c'est à dire que day yek mais du wacc hal bobu la du réaliser te hal bobu mo gëna jafé ci nitu yalla xal bi gëna jafé ci mom mbir mi gëna compliqué ci mom moy mu man lool manam mu man bi yek instantanément moment bi mi yek en même temps ngi wacc c'est à dire que moment bi mi yek ci batinam ci biram zahir bi en même temps mi ngi wacc ci bir nit ni voilà du meuna waxtaan ak nit ni du meuna dox ak nit ni du meuna def ak ñepp nepp nit ni du meuna nek nit ni et cetera yoy en même temps que mom maqama mom mi ngi yé spirituellement manam mu meuna bolé ñaari lool mom motax imam al-junayd adeuf aka abu yazid al-bistami radiyallahu anhu motax biñ ko laaje lan moy al-kamal famal kamal indaka muné an takuna ma'al haqqi fil batin wa ma'al khalqi fi zahir lool moy ak mat fek bobu ñu neko diw day dem day naw ci jawu ji muné mé lool picci ñu ko def ñu neko waw diw day digënté rew sangam ci danaka ci temps bu gatt la ko def muné mé loolu sheytaane dañ koy def jimmi day def lool muné diw dé mom day nekk ci geej gi ci ki dara du ko ci suuf geej gi la mais jëmi ñu ngi koy def wa nit ki day daw ci kaw ndox mi nangam mais gaal yi ñu ngi koy def muné ñu nako wa mais kon lan moy mat nak muné nak mat deug moy nit ki manan dem ba nga xamné tout temps mi ngi nekk yalla ci biram alors que ci biti day mëna nekk nit ñi aussi en même temps lor mo ngay moy mat lool nak moy ni gëna jafé parce que li tax mu jafé ci arif bi manam ci xam yalla li tax mu jafé ci mom moy contemplation bi mi nekk ci digënté mak borom mom da fay kawé kawé way bo xamantene manam c'est comme si day mandi en fait c'est comme si day nan di mandi mais bu ci bëggé bolé and ak ben lan nit ku commandé wul nak lañ ko tuddé lucidité voilà and ak ben lucidité ci bir nit ñi lool mo compliqué ci mom manam lool mo compliqué ci mom manam en même temps muy nekk di explorer océan yi nga xamantene ay océan yu xoot lañ ci ay xéeti mayu yalla ay manifestation ay tejjal ya xam nga ay fuyu daat ay tour yalla yi muy découvrir ay ci en même temps muy tok di mëna waxtaan ak nit ñi di mëna nekk ak ñom et cetera lool mo jafé ci mom mais lool il faut que nit ki di ci bir cheminement mom ci bir cheminement mom mu koy def mu koy réaliser c'est à dire que avant mu yegg ci niveau bobu il faut que mu koy réaliser tout au long du cheminement su fekkante ne djému ko réaliser tout au long du cheminement du ko mën def après bu yeggé ci niveau bobu wala dañu compliquer l'autre mom lool mom motax ñom dañu nek ay nit ño xamantene dañuy gis ne yalla fune nga mëna fune nga ko mëna gisé c'est à dire que obligé wulo tok yow kessé fay lampe bi tecc ne tok commencer ci ka pour mëna nek ak yalla wëte ak mom dédé manam ñom dama wuyete sama borom fune lañu mëna wuyete sen borom fune lañu mëna wuyete sen borom comme li c'est Hassan Chafet do wax hein radiyallahu anhu mune sherif bi radiyallahu anhu dina dañ dan nek ay jamono yo xamantene dañi togalo ñun ñep ensemble di waxtaan di def ak yep après mu jekki nañu en fait sang ba tay dama nekkon ci xalwa en fait kene mi ngi nekkon ci xalwa digënt ak borom tek ñun ñep ñoo nekkon en même temps c'est à dire que comme sahaba yi radiyallahu anhum ñom xal bobu lañu waron en fait sahaba yi radiyallahu anhum lolo tax subhana rabbi ñu bari ci nit ñi ni xamnu xalu sahaba yi radiyallahu anhum parce que dañ leena kawé en fait motax mom lañ doon wax sahaba yi radiyallahu anhum sen xal moy xalu ahlul itlaq yoy lool mom motax ñom moy ahlul mahabbati wala ñom lañu wax ahlul mahabbati dañ leen di wax en fait dañ leen di wax ahlul mahabbati ngir sen tiofel gi ni mu taré ci borom subhanahu wa ta'ala c'est à dire que ñom c'est lepp sen cheminement bi yépp par tiofel lañ ko défé c'est à dire que buñuy def li xam nga ku bëgg la da ngay top ku bëgg da ngay top té da ngay ragala ñak voilà dég motax ñom sen bëgg yalla goor rek lañu def luñuy jëf en fait duñu japp né def nañ dara dañu japp né yalla moy def à travers ñom et que defuñu dara motax ñom amuñu jëf suñu amuñu tamit xam xam ndax xam nañ ni luñu xam par rapport ak li yalla xam comme li sayyidina khadir alayhi salam waxon yent yalla musa alayhi salam gis nga lu ko waxal biñu ñëwé ci tefes bi mu gis benn picc ñew ciof ci geej gi naaw mu nako gis nga picc mi li mu ciof ci geej gi naaw par rapport ak li dess ci geej gi non lañ mëna gisé suñu jëf suñu xam xam ñun ñun man ak yow ak aduna bi yëpp ñu mel par rapport ak xam xam yalla voilà parce que ñom gisunu am nañ xam xam and ak lool yëpp seen xam xam bi ñew en fait par yalla lañuy xamé motax kon ñom bu seen xam xam buñu askane seen bop mais xam xamu yalla la bu fiyéñé ci ñom xam xamu yalla bu fiyéñé ci ñom voilà comme buñ né lampe bi mënu ñu né lampe bi limi také courant mom la énergie mom la dédé énergie wu courant bi EDF indi la mais mu fiyéñé ci lampe bi voilà tout simplement ñom tamit non lañ mel seen jëf yëpp motax ñom même motax amuñu bakkar en fait ñom amuñu tiyaba amuñu bakkar amuñu jëf ju baax amuñu jëf di bon ñom dañuy def rek en fait parce que ñom defuñu yalla ci bopam moy def ñom lool rek lañ gis voilà ñom lool lañ gis seen bakkar bi gënu mag biñu nga xamne mom lañuy considérer bakkar mo ñu dem ba japp ne ba gis ne ñom def nañ mais kon dañ leen do ahlul mahab ba ngeen ciofel gogo dañ leen do wax ahlul itlaq ngir ñak limite biñu am ñak limite ci dara ci lu ne ci xépp maqama amuñu restriction ci dara ci lu ne dundu amuñu dundu en fait ñoo han amuñu en fait amuñu dé ñoo dañuy dundu rek naka jé voilà amuñu dé c'est à dire que ñoom dé gi ni ñun liñu wax dé bañu japp nit ki gas sul lool da nañ ko def mais sauf que ñom comme ci yalla lañu mësa né ñom mësuñu yigé ci yalla rek lañu tout temps ci yalla lañuy wax ci lañuy def ci lañu nekk ci ki manam yalla lañu mësa nekkal amul fi dara luñu fi gis luddul yalla rek motax ñoo buñu doxé en fait buñu duggé fi dem benen aduna en fait circonstance zahir bi mo changé mais ki ñu nekkalon mën lañu nekkal ba légui en fait yalla lañu nekkal amul dara lu fi soppé ko déwuñu en fait ñu continuer di dund buñu continuer di dund fofu seen xam xam day yok seen lère day yok seen lepp day yok fofu seen lepp day yok ak voilà fofu mom seen lepp yok donc ñono motax day gis kon dañ leen di wax tamit afraad yi tamit dañ leen di wax afraad ngir singularité biñu am par rapport ak lu ne wala motax dañ leen dox ma fatahu kunuzi ndax ñoy tiabi ay tiabi trésor yalla yi ndax ñom amuñu comme niñ la ko waxe legi amuñu salaire caisse noire lañ am xam nga yalla kumu nek ku yalla nek sa caisse noire señ bi koku do jéxal dara wala motax même dañuy mëna nek ay nit ñu motax mën nañu feño no nek su la nexé ñu ñoo feño nek comme ay nit ñu riche su la nexé ñu ñoo nek nit ñu pauvre parfois meun nañu passer ci état bi dem ci état bi comme niyent bi melo sallallahu alaihi wasallam sahaba yi tam non lañ melo do tayon sahaba yi bo leen gisse dañu toll ay moment yo xamne mais pauvreté bu extrême lañ nekkon ñu jekki jekki am alal bu bare bare bare et pourtant ni ñu mel musul soppé ko seen jikko soppé ko seen waxim soppé ko seen jaamu yalla soppé ko ni dañ fresh amul amul dara lu soppé ko war xolal sayyidna umar radiyallahu an biko bour bi setse ñew and ak delegation yoy ñew di laccé wa ana amirul mu'minin jitu julini ñu ne ko moy ki teud ci garab ge di noppal manam mo parce que affaire bi da ko jele ko nu muntale wax leen ma lag parce que man ma ngi mi munuma déplacer lul ay gadd ko ñom nan lañ nal amuñu seen dara du soppeku manam ci walu comportement manam li aju ci walu yalla ngay gis sahaba yi radhiyallahu anhum amna ci ñom ño xamantene da no amon lu bare bare bare bare xol sayyidna abubakar radhiyallahu anhu alal ju bare bare la amon ci benn jour ndax yeenati sallallahu alayhi wasallam neena yalla soxla na mu jël mbolam ñu am jox ko ko déssé ben yéré bi mu sol ni jeex amatul da té bu doon jamm dañ na milliardaire law manam amul c'est que ñom amul ci dara luñu tak luñu yalla amul leneen ñom yalla moy seen lepp yalla rek lañ am en fait ñom amuñu leneen na gaay amuñu leneen yalla rek lañ am seen lepp ci yalla non ci c'est à dire que lolu il faut comprendre hal bobu c'est réalité bobu c'est à dire que ñom amuñu dañu détaché wu ci lepp motax ñu leen do xalul itlaq parce que dañu am détachement dañu am liberté indépendance autonomie totale par rapport ak lepp yalla dal lañ nekkal jeexna yalla lañ am jeexna wuduñu sax ben maqama bu leen yalla jox amul dara lu ñu wuduñu sax fa wuduñu sax ne yalla bu xaway man yalla na def sikar sang bol da nga pour am fa ñom wuduñu sax lool lepp lu ñu def dañ koy jamo yalla kesse yalla nak moy xol lu mu leen neex jox leen mais nak ku mel nonu dem ba mu nekk deug ci yow yalla da lay yikiti ci ñoon bo la ci rapprocher yoy non nga xamne da leen indi ci palem jox leen caisse noire bi wala ces décisions gis nga mo def ñu ñoñu nekk ci palais en fait djégué trop président bi non bañ nan ñoy lopi président bi wala ñom ñoy plume wala yu mel non gaay lu leen neexul lu wa bu leen neexul buñ proposer lu jall c'est à dire que wa diwanu salihina buñu ñëwé top bi siéger en fait ñoñu bu leen neexul du affaire bi du dal motax ñom dañuy am lo xamne leg leg wa diwan bi ñom rarement rek lañ koy am xam nga wa diwan salihina amna yo xamne rarement lañ koy am moy di togal yeen ci bi sala salam di nek ak ki et cetera ak yeneen yu ay mbir yu melnu non ñom rarement lañ koy am mais ñom ñoo is dedet ñom tout le temps ñi ngeen motax même wa talib tidiane lool bok na ci sen particularité sen gëneel moy lo xam nga xam nga wad diwan salaxé né yentou salaxé du tout temps la fay téw mais talibati jani tous les jours bu ñu wosi ko yentou mi ngeen ñop salalahu alayhi wasallam ak khulafa rasulun wala motax lolu hein yoy yep ay particularité la ñoo xam tane ñom dañ ko am motax ngay gis sahaba yi rabbi am ñu bare bare ci ñom lu ñu mënul comprendre ñu bare bare da ngay gëj buñu déggé ñaan wali yu sangam mi la meloon li la daan def nangam da yu bari yu xamul comprendreul dañuy fogné ñooñu ñoo gënon grave sa bay wo bay ñooñu so mais da fekk né en fait sa bay ñoo gëna grave mi des milliards et des milliards et des milliards d'années lumière de fois non mais yamul sax mais c'est itlaq gi ñu nekkon motax nit ñi comme wa comme ñooñu rek ñima la wax dañu afraad ni ñu mel ci bir nit ñi wax am na gaay du ñu baay baay ñi ci li rek en fait motax nit ñi tam duñ leen xam parce que xal yi ñi nekké moy dañuy singulier et que dañuy commun aussi dañuy commun lool mo leen woutale gis nga ki gis nga sahaba yi radiyallahu anhum motax ngay gis sen préoccupation yu ndik yi yu makki même wa même tabi'i manam toutes les trois générations yu ndik yi day gis minu siwe moy lan moy dañ dan moy alcorane gi ñu ki won hadith yi nga xamantene mom lañu tassare et cetera ak yoy da bo xolé xolal si rahmatu jami radhiyallahu an mom bo xolé dar siim doon def lool la alcorane dal la dan def tafsir hadith la dan jangale ak hikam la paye parfa wala dan na jangale le lek yeen tere yi muhtasar khalil et cetera ak yoy mais dar si mu gënon ñu ko gënon xamal lool lool wala amul won ay comme wala c'est à dire que manam lool xalu ahlul itlaq ci sen yenn particularité moy comme sahaba radhiyallahu anhu moy na la moy zahiru alquran ak sunna dal nga leen xamé jeex ni té lool xam nga ñepp ci yow en fait lolou da naka ñepp ci mais suuf ko ñoom dañ ci excel aussi voilà yeenentibi sallalahu alayhi wasallam motax ñoom ñoo gënul kawé ñepp ñoo gënul kawé mbolam ñi naan and ak yeenen yeenenti alayhi wasallam sahaba yeenu sahaba ñoo gëna kawé and ak lolou seen préoccupation bu tar ci toxal li yeenentibi sallalahu alayhi wasallam doon jangalé pour mëne ko toxalal génération yi ci dess mo len gënal préoccupé wu nek fi di def ay climat nak di def ci yo dedet pourtant ñu raw ñeneen ci itit ñep ñeneen ci itit ñep ci ñom lañ nané voilà waahul itlaq non moy sen xal tamit voilà da nga gis tamit sen xal wa gis nga sahaba ay radhi Allahu anhum daan deg da daan dugg xal wa ki ñu nan ci sahaba di nangami gi fan la daan dugg xal wa loolu lañ ko deg han parce que sen xal wa ci jëmmé bopam mi ngi ci sen feñ gi ñi feñ ci biti moy xalwatuhum fi jalwatihim tandis que sen jalwa manam moy le fait que ñuy feñ ci biti di nek ak nit ñi di togg ak ñoom di len jarign ci walu yalla lolu ci jëmmé bopam mo nek en même temps xalwa bi nekkon di def diko def c'est à dire que dañuy mëna nek ak nit ñi ci biti and ak na yalla lañuy wétal ci bir parce que deug deug amuñu leneen lu yalla lol xalu xalu moy ñooñu moy xalu hein afrad yu afrad yi wala motax ñu bari xamuñu seen maqama motax ku presque jégeewul seen niveau ni du xam du leen mëna ragné té bokku na ci ngeenel lu makki ñamam moy yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam avant même la révélation bi avant mom ci ñom la bokkon wala xal ñom la bokkon ça veut dire que genre bobu la won motax kenn mus ko xamal lu ñew kenn mus ko xamal lu muy etc jikko ju rafa la mësa am naka jek wala c'est à dire que ñom tamen non lañ mel jikko ju c'est à dire que dañuy am comportement yu rafa tak yoy bokku na nak ci seen xal aussi ko afraad bokku na ci niñu mel moy duñu di am yeen jikko yi comme ni di critiquer fuñ toll buñ ko def manam nekkunu rek tout temps way diw li mu def nanga motax ñom motax d'ailleurs bokku na ci cheminement bi tax nga mëna yex ba bokku ci ñom mëna tax bo mako bokku ci ñom moy ce lepp day basé wu ci al mahabbatu parce que ñom ñoy wa ahlul mahabbati ci tiofel bëgg yalla bëgg yentibi sallallahu alayhi wasallam bëgg sir ahmed tijani radiyallahu anhu bëgg nitu yalla yëpp bëgg nit ñu bax ñëpp bëgg julit ñëpp bëgg manam bo la mindeef yalla yi parce que mindeef yalla bu ne yalla def na ci mo ay secret nga bëgg le manam do amal haine kenn quelle que soit forme haine bi do ko am racisme mom de jël la nek mom quelle que soit forme racisme bi quelle que soit la forme nak ak le degré ak l'intensité du racisme amul do am c'est-à-dire que amul ben distinction boy def entre ne djola bi ak tout couleur bi amul wala digeunte nar bi ak tubab bi ak nit ku ñuul ak indien bi amul ak chinois bi japonais bi amul ben considération nga moy yalla ak ki nit la xexna ak tamit amul manam tamit di fexé di jaamu yalla ngir yalla ay kessé c'est à dire que yow bul am leneen loy bëgg wala nga diko wut ngir lolu la ngir yalla ay kessé ngay def voilà leneen amul leneen en fait yow wuto dara yalla dal nga bëgg ngay jaam yalla dal ngay jaam yeenentibi sallallahu alayhi wasallam ci ngay nek tout temps ce lepp dang koy wër lo ci yeenentibi sallallahu alayhi wasallam voilà bëgg gogou voilà ba nga xamanteni yoy yeb day incarner wu ci nit ki du am fumu tollu muy tamit di incarner mushahada bi manam contemplation du tout le temps voilà mais aussi comme fiñu jéxalé won ci jotay bi wess ñu jéxalé wat ko aussi fi moy dem ba réaliser sen xal mel ni ñom manam ba yegg sen niveau hakikatan kenn man ko defal sa bop da ngay and rek ñu mel ni ñom parce que bo andul ak ñooñu do mën lool do mën yegg fofu c'est à dire que il faut que nga and ak ku mel non wala ku la mëna yégué ba à un certain niveau en tout cas voilà ku japp solo lool mën ta ñek fo nga and ak ñu mel non et considérer leen comme tel parce que ñom ay nit leen ñoo xamné yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo fe manam mo en fait yeen tibi sallalahu alayhi wasallam mo manam mom comme niñ ko waxe sax moy sen rokh ñom ñoy ñom ay bubbam lañ c'est à dire que ñom ci leer yentou sa haqqatu muhammadiyya directement lañ leen sosé ñom ki lañu yo xamné ku leen gis en réalité yentou bi nga gis sallallahu alayhi wasallam kuy wax ak ñom yentou bi ngay wax sallallahu alayhi wasallam ku def jëflante ñom lu mëna ron yentou bi ngay jëflante sallallahu alayhi wasallam ce qui fait que nak danger bi nekk ci considérer leen tout simplement comme n'importe qui danger bi nekk ci considérer leen comme n'importe qui maintenant comme xamoo kan la parce que xamoo kan la nga am teggine bob motax nit ki bu bëggee yegg niveau yu kawé yoyu aussi il faut que mu sam waxinam ak jëfina di wax comme ni yalla di waxe ci alcorane lolu c'est important parce que ñu bëré bëri mënuñu ak ñu yent ci sa sam buñu gisé lolu motax bokku na ci buñuy jang hadith yi tout temps amna benn parti bo xamné ci téggine lañ koy def téggine xam xam Moussa katu xam xam mu kiko joxe en fait téggine yoyu ñuy jangat ci hadith yi lolu dafa important bu baax mat na retenir et que diko appliquer lutax parce que yent bi sallalahu alayhi wasallam ni mu doon waxe nimu don doxé manam il faut que yow tamit bo bëggé yénent bi sallallahu alayhi wasallam dem ba remarquer la ci mbolé mindé fi xol la sétantal la dañu ki dé ki dama koy en fait ki dama koy def sama bop parce que en fait ñun ñëpp ci mom lañ joggé yénent bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñëpp ci mom lañ joggé hein mais bu démé bu jëlat la en tant que élément de l'ensemble bu gennone ci ensemble bi c'est à dire que muy mom parce que mom moy ensemble mais que ñun ñep ay élément la mais que ñu genn bu jëlat la intégrer wat la ci bopam ce qui veut dire que da ngay sey ci biram nga nek mom mu nek manam yow sa jëm ji di fiñ mais mom moy mais yow mom nga lool la en fait réalité bi lool la voilà sa jëm ji moy fe mais que mom nga c'est comme ni comme ndali bu ma jëlé cop bu duy ci ndali te ndox mi ci ndali la jogue mais suma ko jele ma soti wat ko dot mo meuna distinguer bi ndox mi nekkon ci kaas bi ak ndox mi nekkat ci ndali parce que lan lay wax ndoxum ndali rek lay wax jeexna ñom non la mel c'est à dire que yent bi sa sam mu distinguer la ci bir minde fi ci non jeela la dugalat la ci bopum de telle sorte que manam legui nak amatul distinction entre yow ak mom parce que mom moy yow nga nek takandéram wala bok miroir manam image bi feñe ci miroir bi lolo tax ku dem ba mel nonu deug hakikatan a un moment donné mën na taxaw ci kanam setu di xol mais du gis jëmum bi mais yenente bi lay gis sallalahu alayhi wasallam li dalon ibnu abbas lan de la nama ibnu abbas lolou dalon nak parce que mom ci ñom la bokko radiyallahu anhu ben jour dafa jël setu bi def ci sayyidat maymuna radiyallahu anha jël setu bi tek ci kanam xol li setu gis bopam gis yenente bi sallalahu alayhi wasallam gisul bopam wala nit koku non lay mel day dem ba nga xam mais lolu du tout temps la koy dal mais meun nako dal wala amna ben jour Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu ñu ne ko mu ne muy jambat ne dafa geje gis yent bi sallallahu alayhi wasallam am ku ne ko en fait mais xolal sa bop xolal sa bop manam bo xol sa bop en fait yentou mi ngi gis sallalahu alayhi wasallam manam wala ñoy borom niveau yoy en fait wala lool la motax kon ñooñu il faut que tamit yow tamit nga am comportement bu exemple bobu yeen sa sam nek sa model mu modelé wu manam ci yow ce qui veut dire que da ngay dem ba moñu ci mom mu nek sa model niki nonu sa intérieur tamit nga défar ko comme yeen timi wax né sallallahu alayhi wasallam non la boy meune xey ak nga gont te sa xol bu mu am ben ñegg ñegg bu ci nek par rapport ak qui que ce soit defal lool lool la xana Anas radiyallahu anhu voilà lool la doxalinam waxinam jëfinam et cetera manam il faut que teggini ñu diko xam mais mënuñu manam mëno bëgg mel nona mais di waxé comme le commun di waxé comme mass yépp di doxalé comme ñom mënta nek ñom da ngay gis ci bir wax loolu tax teggini mom moy mbir mi loolu mom motax même maqama yi ak yenn xam xam yi xam yalla buul ko wut manam dans le sens où woutal teggini kessé ak xamé teggini soko amé affaire bi daf ci top manam presse de cause habituel wala dafa am ni lañu wara doxale ni lañu wara waxe ni lañu wara comporter wo li lañu wara samontel tout temps ci li nga wara nek et cetera tout temps te dar jitu wu ci sharia bi ndax sharia bi moy yoon bi d'ailleurs lool mom moy sharia la yo sharia likulin ja'alna likulin han minhum ja'alna shir'atan wa minha jan kenn ku ci nek ci ñoom wutal nañ ko shir'a gis nga shir'a moy yoon bu mu wara jaar wa minha tamen moy yoon wu leer nañ muy lool c'est-à-dire que kon sharia moy yoon bi nga xamne ci nga mëna jaar képp ko xamne yaakaar na téggu yoy ak mbir yoy mëna ko am ci doyo dal lenn ci sharia bi c'est parce que xamul yoon bob yoon yalla kenn duko amé luddul ci yoon bi mu teural yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy ki gëna incarné yépp té mom motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam loolu la incarné mbir non la ko incarné ku bëgg mel nonu jaar ci yoon bobu xolal ni yent bi melon ci biir ak ci biti ga soobu yoon yent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir ak ci biti kon xamna ñe fofu inshallah bu gëta ñu wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin